Vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá. T'es mal, t'es au fichu. Ouais, mets la 4 là. Hein? J'suis déçu des fausses banalises là. Pourtant, dis-moi, y'a que de sa banane qui se mêle. Équipe positive sous cannabis là. Dans l'auto, ça sent le pilon coffré depuis 10 semaines. Ce qui est le meilleur fils de analyse bien. J'ai de suivre, faut que j'me canalise, man. J'ai plus les litres au quartier, mais j'préfère canner Lisbonne. Et quand j'médite, j'vais la mettre distance sur les méditas. Hey, c'est mes types, ils font bien marrer quand j'fumais du terre. On proche comme des chiens, gros, c'est ça nos vies. Eux, ils nous prennent pour des anneaux aussi. Les mecs chelous, on les a notés. Ils portent l'œil des Azix aux anodis. RRS, c'est anodin. Mais pas de pas, pas de à nous deux. Si t'as 10, tu touches pas à nos vins. Sous la carapace, la police à nous veut. Ancien survêt de bouteille toute neuve. Tu me connais pour de rien de nouveau. Berlingo, patrouille des 9h. Tu vois plus beau dont je disparais. J'en ai le cas, tu veux qu'on disparaît. De toute façon, ils disent tous pareil. J'attends les boulets sur le disparaît. Tu vois plus beau dont je disparais. J'en ai le cas, tu veux que je disparaît. De toute façon, ils disent tous pareil. J'attends les boulets sur le disparaît. J'ai galéré, galéré. J'ai galéré, galéré. Du trafic sur l'allée. Aucune erreur tolérée. J'ai galéré, galéré. Moi, j'ai galéré, galéré. Du trafic dans les looms. Aucune erreur tolérée. C'est avec l'équipe, tout est carré, ma chérie, fais la seule. Faut pas faire de bruit, Narvalo, c'est la folie. On entend que ça parle, ils sont pas contents ceux-là. Des histoires, j'suis saoulé, j'arrive au quartier, la haine dans les yeux se lit. Amoureux du ghetto, mes potos sont célibres. J'ai trimé en effet, je trimé en été. On salue mon effet, et le four, personne l'éteint. C'est trop, c'est H.A.U.T. C'est la guerre avec le bif, un gros chahuteur. Dans l'allée, t'entends méga hurler. Clique sur le morceau, regarde le chahuté. Moi j'ai rien qui change, minaret condamné. Je me dis que c'est la vie, et je roule en peau d'amener. Revoir dans Nike, finir en peau d'amier. Ouais, rien qui change, minaret condamné. Je me dis que c'est la vie, et je roule en peau d'amener. Revoir dans Nike, finir en peau d'amier. Tu vois plus beau dont je disparais. J'en ai le cas, tu veux qu'on disparaît. De toute façon, ils disent tous pareil. J'attends les boulets sur le disparaît. Tu vois plus beau dont je disparais. J'en ai le cas, tu veux que je disparaît. De toute façon, ils disent tous pareil. J'attends les boulets sur le disparaît. J'ai galéré, galéré. J'ai galéré, galéré. Du trafic sur l'allée. Aucune erreur tolérée. J'ai galéré, galéré. Moi, j'ai galéré, galéré. Du trafic dans les looms. Aucune erreur tolérée. Y'a pas de mytho. Y'a que de la galère. T'es à rompé chaud, ma petite couille. Maman Adminar, ça bouge pas les reilles. Le rapport 5 il arrive. Restez branchés.